بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، تفسير سورة الناس، commentaire de sourate الناس، سورة les gens. Après notre introduction sur la méditation du Coran, commençons à présent le tafsir de sourate الناس. الله تعالى dit: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif qui insuffle des mauvaises pensées, qu'il soit un djinn ou un être humain. Pour commencer ce tafsir, le premier sujet que nous allons aborder est l'importance de cette sourate. Une importance immense qui apparaît à travers les points suivants. Premier point, cette sourate renferme une demande de refuge, de protection auprès d'Allah, al-isti'adha, contre le plus grand des dangers et le plus grand des ennemis, le danger du shaytan. Comme Allah a dit à son sujet, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Deuxième point, elle fait partie des sourates de la partie Al-Mufassal. Qu'est-ce qu'Al-Mufassal ? Al-Mufassal est ce groupe de courtes sourates qui commence par Surat Qaf et qui se termine par Surat An-Nas. Cette partie contient des rappels et des exhortations et c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait souvent lors des cinq prières, As-Salawatul Khams. Il récitait durant la salat du Fajr les sourates les plus longues d'Al-Mufassal. Durant la salat du Maghrib, il en récitait les plus courtes et durant la salat du Isha, les moyennes. Troisième point, Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se réfugier auprès de lui avec cette sourate. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait donc refuge et protection auprès d'Allah azza wa jal avec cette sourate. Et il ordonnait aux croyants d'agir de même, comme cela est rapporté dans Sunan Abi Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Uqba ibn Amir de rechercher refuge par ces deux sourates, An-Nas et Al-Falaq, car elles n'ont pas d'égal dans ce domaine. Quatrième point, elles comptent parmi Al-Ruqiyya Al-Shar'iyya, ce que l'on lit ou récite lors de l'exorcisme légiféré. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam procédait à la ruqya sur lui-même et sur d'autres personnes avec cette sourate. Il est rapporté dans les deux sahih, sahih al-Bukhari et sahih muslim, d'après la mère des croyants, Aisha radiallahu anha, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam souffrait d'un mal, il soufflait sur lui-même avec les mu'awwidat, c'est-à-dire sourate al-Ikhlas, sourate al-Falaq et sourate al-Nas, des sourates par lesquelles on recherche le refuge auprès d'Allah, et passait ses mains sur son corps. Et dans une version, dans Sahih Muslim, Aisha radiallahu anha nous informe que lorsqu'un des proches ou de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam tombait malade, il soufflait sur le corps du souffrant avec al-mu'awwidat. Une preuve donc de la grande importance de cette sourate. Cinquième point, une autre preuve de l'importance de cette sourate est qu'elle résout un problème que les gens arrivent rarement à résoudre, à savoir les wasawis du shaytan, c'est-à-dire les insufflations du diable. Un mal que beaucoup de gens rencontrent et dont ils ne connaissent pas la solution. Ils ont beau chercher comment se soigner, ils ne trouveront pas plus efficace et plus profitable et plus important que Surat An-Nas et que les autres sourates similaires qui chassent les shayatins et leur insufflation. Sixième point, parmi les preuves de l'importance de cette sourate, le fait qu'elle est une des sourates qui commence par « dit », celle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné au commencement de la sourate de dire « qul », c'est-à-dire où Allah lui dit « qul ». On trouve cela dans cinq sourates. Et les sujets d'ailleurs qui y sont exposés sont les plus importants et les plus graves. Parmi elles, Sourate An-Nas, où il y a la demande de protection contre le shaitan. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Parmi elles, Sourate Al-Falaq, où il y a une demande de protection contre tous les maux. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui souffrent, c'est-à-dire les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Parmi elles, Sourate Al-Ikhlas, la pureté. Cette sourate qui expose l'unicité d'Allah, l'unicité pure, Al-Tawhid Al-Khalis. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Parmi ces sourates, Sourate Al-Kafirun, dans laquelle on se désavoue du shirk et des mushrikin, du polythéisme et des polythéistes, comme tous les prophètes l'ont fait d'ailleurs. Un sujet important, et c'est pour cette raison qu'Allah Azzawajal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ. Dis, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. » Et enfin, Sourate Al-Jinn, dans laquelle il est demandé d'exposer la révélation descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui prouve que les djinns sont concernés par cette révélation comme le sont les êtres humains, c'est-à-dire d'adorer Allah seul sans rien lui associer, et de se conformer à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit « قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا » Dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Voilà donc quelques points qui nous ont permis de comprendre l'importance de cette sourate. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.